Bonjour à vous tous et bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Les chrétiens burundais se sont joints aux autres du monde entier pour célébrer ce 15 août la fête d'Assomption. Et le gouvernement burundais souhaite l'implantation des autres usines de fabrication des intrants agricoles. Ça a été annoncé par le premier ministre qui a tenu à préciser que la production est insuffisante. Et la chronique sportive de ce lundi va nous parler de l'arbitrage du volleyball. Voilà pour les titres. Bienvenue pour les détails. François Akimana est à la manette du son. Moïse Missa Gossu à la présentation. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, les cérémonies de l'Assomption dans la province de Gitega sont marquées par la décoration du nouvel archevêque de Gitega, Monseigneur Bonaventure Nahimana, le représentant du pape au Burundi qui l'a décoré du pallium, a indiqué que ce pallium fait de l'aine et l'agneau a été d'abord béni par le pape et puis il a été déposé au tombeau de Saint-Pierre à Rome. Monseigneur Bonaventure Nahimana est le troisième archevêque burundais à porter ce pallium. Ces cérémonies de l'Assomption se déroulent à Mugera pour la 61e fois. Certains membres du gouvernement ont fait un déplacement à Mugera. Poursuivons cette édition, plus de 220 millions de dollars américains ont été encaissés par le Burundi à travers la signature des accords de financement relatifs au projet de développement au cours de l'année budgétaire 2021-2020. Précision du ministre burundais des Finances la semaine écoulée, Domitien Ndukugayo présentait les réalisations annuelles de son ministère. En plus de ces encaissements, le Burundi a bénéficié d'un financement du Fonds monétaire international FMI de 76 millions de dollars remboursables à un faible taux, ajoute le ministre burundais des Finances. Suivez-le. Pour ce qui est du financement extérieur, dans le cadre de la mobilisation des ressources extérieures, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère des Finances, du budget et de la planification économique, a procédé aux négociations qui ont abouti à la signature des accords de financement respectivement avec le groupe de la Banque africaine de développement pour un montant de 20 millions d'unités de compte, avec l'Union européenne pour un montant de 17 670 000 euros, avec le groupe de la Banque mondiale pour un montant de 290 millions de dollars américains, avec l'Agence française de développement pour un montant de 21,3 millions de dollars américains, et avec l'OFIDA pour un montant de 53,6 millions de dollars américains. Notons aussi qu'il y a eu une facilité de crédit rapide en faveur du Burundi pour un montant de 76,2 millions de dollars américains et une allocation de droits de tirage spéciaux ETS d'une enveloppe de près de 211,5 millions de dollars américains avec le Fonds monétaire international, dans le cadre d'améliorer le niveau des réserves de change d'une part et de donner plus de flexibilité dans la gestion des politiques économiques d'autre part. C'était le ministre burundais des Finances, Domitien Ndukugayo. 19 ménages qui ont déménagé à partir de la localité de Kibati, de la commune Nebukinanyana, de la province de Cibitoke, il y a 2 ans, suite aux éboulements et glissements de terrain se trouvant sur le site de Kumuserege, indiquent qu'ils sont regroupés dans des maisonnettes étant nombreux dans leur ménage. Ils demandent des parcelles où ils peuvent construire leur maison. Le gouverneur de la province de Cibitoke, Karim Ibizoza, demande à l'administrateur de la commune Nebukinanyana de plaider pour que cette population s'inscrive au sein du conseil communal de Bukinanyana pour avoir comment trouver solution à cette situation. Alexis Nderagidje. Ces 19 ménages étaient parmi d'autres 49 qui ont déménagé à partir de la localité d'Okibati il y a 2 ans suite aux éboulements et glissements de terrain qui ont démoli leur maison. Pour le moment, ces 19 ménages sont regroupés sur le site de la localité de Muserege dans cette même commune de Bukinanyana. Ils se trouvent dans des maisonnettes alors que certains sont nombreux dans les familles. Les indiqués se trouvent en pleine pauvreté puisqu'ils n'ont pas de terre à cultiver. Au moment où il y a un bienfaiteur qui lui a donné une assistance de 5 tôles par ménage, il demande des parcelles pour y construire leur maison tout en indiquant qu'ils sont capables de se fabriquer des briques. À part cela, il demande une assistance en vivres. L'administrateur de la commune de Bukinanyana, Christian Mourikiye, indique qu'il n'est pas autorisé à distribuer des parcelles en affirmant que si ces parcelles seront octroyées, qu'elles ça ne sera pas une distribution définitive. Le gouverneur de la province Chibitoke, Karim Bizoza, quant à lui, demande à cette autorité communale de soumettre cette question au conseil communal de Bukinanyana pour étudier cette situation afin de trouver la solution pour cette population sinistrée. Depuis Chibitoke, Alexine Deregje, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h03 et poursuivons cette édition. Le commandant secteur opérationnel Soukola de Sud Kivu, le général Ramazani Fondi, appelle la population au calme et à collaborer d'une manière franche avec les forces loyalistes afin de mettre un terme à l'activisme des forces irrégulières. Cette force, sous le commandement des FARDC, a pour mission de traquer tous les groupes armés étrangers locaux afin de restaurer la paix promue par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez à ce propos le général Ramazan Fundi. C'est depuis ce lundi 15 août 2022 que le contingent de forces de défense du Burundi est entré officiellement en République démocratique du Congo dans la zone de responsabilité du secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu. Ces contingents burundais, actuellement cantonnés au centre d'instruction de Lubérizi, est venu dans le cadre de la mutualisation de forces prônée par le chef d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, East African Community en sigle. Cette task force, sous le commandement des forces armées de la République démocratique du Congo, a pour mission de traquer tous les groupes armés, étrangers que locaux, sans distinction, afin de restaurer la paix promise par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le commandant secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu, le général de brigade Ramazani Fundi, appelle la population au calme et à collaborer d'une manière franche avec les forces loyalistes afin de mettre un terme à cet activisme de forces irrégulières dans notre zone de responsabilité. C'était remarqué Elongo, porte-parole de l'armée du Sud Kivu, et non Ramazani Fundi. À présent, Radio Isanganiro, chronique sport. La chronique sportive de ce lundi, un arbitre de volleyball atteint le niveau d'arbitrer les compétitions internationales après avoir bénéficié des formations organisées au niveau international. Cassien Bizabigomba, directeur technique adjoint au sein du comité national des Paralympiques, indique qu'un arbitre qui viole les règles de sitting vol doit être puni conformément aux lois régissant ce sport. Les détails de cette chronique avec Marie-Claire Cadenez. Pour devenir un arbitre international de sitting volleyball, on doit obligatoirement avoir le brevet d'arbitrage de niveau international. Explication de Cassien Bizabigomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique. Qu'est-ce qui doit être pour qu'un arbitre doit arbitrer des matchs ou bien des jeux officiels au niveau international? Là, je peux vous dire qu'en aucun cas, un arbitre peut aller arbitrer dans des compétitions mondiales ou internationales sans qu'il ait le brevet d'arbitrage du niveau international. Donc l'arbitre doit avoir un certificat attribué au niveau international. Il affirme qu'un seul arbitre burundais remplisse les normes d'arbitrer les compétitions internationales. Comment les arbitres burundais s'obtiennent au niveau des compétitions en général? Je dirais que au Burundi, nous n'en avons qu'un seul arbitre formé avec un certificat niveau 1. Donc, je ne peux pas vous dire comment les arbitres burundais se tiennent, mais ce qu'on a formé localement essaie quand même d'arbitrer les jeux comme d'habitude et nous voyons que quand même, ils ont en bonne humeur et une bonne foi de le faire. Et aussi, ils ont quand même appris les règles que les affaires appris. Ils essaient quand même de faire le mieux. Ce directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique indique qu'un arbitre de sitting volleyball qui viole les règles régissant ce sport doit être puni conformément à la loi. Si un arbitre viole les règles d'arbitrage, et donc ça dépend des règles violées, ça dépend des problèmes causés. Donc il y a des problèmes qu'on peut quand même régler dans le corps arbitral et que ça se termine par là. Et il y a aussi des problèmes ou bien des fautes qu'on peut punir au niveau soit pays et au niveau international. L'arbitre, s'il n'a pas honoré son métier, il risque même d'être retiré du certificat. Ça dépend des fautes ou bien des gaffes qu'il a commis. Selon Kassier Bizabi Gomba, les arbitres burundais affichent un bon comportement d'une façon générale car aucun parmi eux n'a été suspendu dans le corps d'arbitrage suite au mauvais comportement. Merci Marie-Claire Kazeneza. Et le manque des engrais chimiques produits par la société Fomi en quantité suffisante et la non-disponibilité des semences sélectionnées sont certains des facteurs de la faible production agricole. Ce sont quelques préoccupations des parlementaires présentées vendredi dernier au Premier ministre Alain Guillaume Bougnoni lors de la présentation du rapport du gouvernement pour le premier semestre 2021-2020. Selon le Premier ministre, le souhait du gouvernement est de multiplier les industries de fabrication des intrants agricoles. Et avant de boucler cette édition, le rappel des titres. Je vous le disais tantôt que les chrétiens du Burundi se sont joints aux autres du monde entier pour célébrer la fête d'Assomption. Et le gouvernement burundais souhaite l'implantation des usines qui fabriquent des intrants agricoles, comme ça a été annoncé par le Premier ministre vendredi dernier lors de la présentation du rapport pour le premier semestre 2021-2022. Et vous l'avez entendu avec le lieutenant Marc Elongo, qui est porte-parole des opérations sous collade de l'armée nationale congolaise, que l'armée burundaise est entrée officiellement ce 15 août sur le sol congolais pour traquer les groupes rebelles. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde. Dans quelques instants, c'est la revue régionale. Au revoir. Actualité régionale. Bienvenue, chers auditeurs de la radio Isanganiro, à cette revue régionale. L'hôpital d'Okayunga subit un revers alors que du matériel valant des millions est volé, titre le journal Nation de l'Ouganda. Ce revers est dû au vol de certains de ses équipements médicaux d'une valeur de 400 millions de shillings nouvellement achetés. Selon Mme Hélène Boutoto, porte-parole de la police régionale de Sezibois, une partie du matériel volé a été récupérée à Rugazi, dans le district de Bouikwe, alors qu'il était transporté dans un minibus, communément appelé drone, vers une destination inconnue. Dans les colonnes de Nation, Madame Boutoto a déclaré que mardi de la semaine dernière, un lanceur d'alerte qui travaille également à l'hôpital a informé la police du vol de l'équipement qui était mis en vente. Madame Boutoto a révélé qu'un ingénieur biomédical attaché à l'hôpital et trois autres personnes qui se trouvait dans le véhicule qui transportait l'équipement au moment de l'interception ont été arrêtés et renvoyés au poste de police centrale d'Okayunga avec les pièces à conviction. Appel à la paix alors que le Kenya attend les résultats d'une course présidentielle, écrit le journal de Standard du Kenya. Les Kenyans ont prié pour la paix dimanche alors qu'ils attendaient avec impatience le résultat final de l'élection présidentielle avec les deux favoris presque au coude à coude selon les résultats officiels partiels. Dimanche matin, le vice-président William Ruto était légèrement en avance sur son rival Raila Odinga selon les données de la Commission électorale indépendante des frontières avant de couper le flux en direct affichant le pourcentage de votes remportés par les deux hommes. La commission qui a maintenant compilé les votes de plus de 70% des circonscriptions, poursuit ce journal, n'a pas donné d'explication pour cette décision. Mais en décompte courant, du journal Daily Nation, citant les données officielles, a déclaré que Ruto avait jusqu'à présent obtenu plus de 52% des voix, tandis qu'Odinga avait plus de 46%. Le vote de ce mardi, rappelle ce journal, s'est déroulé en grande partie pacifiquement, mais après que les élections précédentes aient déclenché des violences meurtrières et des allégations de trucage. La commission chargée des élections subit une pression intense pour livrer un sondage propre et publier les résultats d'ici ce mardi. Actualité régionale. Au moins 20 personnes disparues et 30 maisons incendiées lors d'une nouvelle incursion des ADF à Lumamisa samedi 13 août, rapporte l'OCAPI. C'est ce qu'annonce la nouvelle société civile de Mambasa qui salue l'intervention de l'armée qui a permis de sauver des vies humaines. Ces rebelles ont fait l'incursion le samedi matin dans ce village du territoire de Mambasa en Ituri et certains habitants ont réussi à atteindre le centre commercial de Mambasa ou des villages environnants avant que ces assaillants ne bricadent la route. Les religieux sont priés à continuer à prier pour le pays. Selon le journal Mtanzania, c'est pour que le pays évite diverses catastrophes, notamment la famine, les défis économiques causés par l'homme ou d'autres nations, les maladies, le stress et l'érosion. Le ministre de l'État a expliqué qu'en plus de compter sur Dieu, les Saintes Écritures encouragent toujours le travail acharné. Fin de cette revue régionale, elle vous a été préparée et présentée par Omer Ndoyo et Francine Ndokubgayo. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Actualité régionale.